16-26, activation orale, profitez de, pour. Répondez selon l'exemple. Par exemple, vous entendez... Oh, il y a du vent, allons faire du bateau. Et vous dites... Profitons du vent pour aller faire du bateau. Voilà, alors, on y va. Deux. Il y a du soleil, allons faire du bateau. Profitons du soleil pour aller faire du bateau. 3. Il y a de la neige, allons faire du ski. Profitons de la neige pour aller faire du ski. 4. Il fait beau, allons à Chartres. Profitons du beau temps pour aller à Chartres. 5. Nous avons des vacances. Allons au Pays Basque. Profitons des vacances pour aller au Pays Basque. 6. Il y a du vent. Allons faire de la voile. Profitons du vent pour aller faire de la voile.